par tous les saints. Après avoir parlé des nombreuses variétés de kékettes, le moment est venu d'évoquer la partie de corps qui est reconnue comme le symbole de la féminité. Tout comme pour le poireau, il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Pommes, poires, melons, pois chiches. Cependant, à la différence du pénis, il est impossible, ou du moins très compliqué, de dissimuler ces formes célestes sous les vêtements pour les offrir au moment opportun à l'élu. Ce qui a quelques répercussions sur le quotidien. Car n'importe qui peut se rincer l'œil et faire des commentaires scrabeux. Heureusement que les saints n'ont pas d'oreilles, car les petits modèles sont injustement moqués, tandis que les proportions généreuses attisent toutes sortes de débats. Cette situation est souvent difficile à gérer pour les femmes, particulièrement les jeunes filles qui finissent par complexer alors qu'il faudrait au contraire être fière d'avoir un corps qui ne laisse pas indifférent. Même s'il faut un minimum d'entraînement pour dépasser les moqueries des adolescents boutonneux ainsi que les regards vicieux des vieux loups. L'ensemble de ces réactions primaires et incontrôlées prouve que les hommes seraient prêts à tout pour approcher une paire de boobs. Il s'agit donc d'une réelle faiblesse de leur part. Il est de fait opportun de savoir en tirer profit plutôt que d'en pâtir. Toutefois, ce qui est bien plus décevant, c'est la montagne de commentaires que peut déclencher un décolleté avantageux auprès de la gente féminine. Le poison de la jalousie étant capable de transformer n'importe quelle dame en mégère. Toujours est-il que cette méchanceté gratuite ne change en rien à la réalité. Dans l'intimité, les formes généreuses offrent une variété de possibilités inaccessibles aux formats jugés plus conventionnels. Pas de panique. La nature étant bien faite, chaque paire de nichons a son charme et trouvera des moyens adaptés pour les combler de caresses. Tout un chacun veut profiter du plaisir inégalable de malaxer ses délicieuses rondeurs, car il n'y a rien de plus apaisant que de se blottir contre les monts de tous les délices, en retrouvant les sensations de douceur et de sécurité qu'apportait le buste de la mère. C'était Evan Matisse, et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.